Avant d'avoir un enfant, je crois pas, non. Je n'y avais pas vraiment réfléchi. Je suis pas sûre d'avoir beaucoup réfléchi à la question, mais je m'étais dit un peu naturellement que j'essayerais. Assez vite, je me suis dit que j'avais envie d'essayer d'allaiter. Et pendant ma grossesse, je me disais, j'essaierai et puis on verra bien. Je vais essayer et puis on verra si ça marche très bien, si ça marche pas, c'est pas grave. Je sais déjà que l'allaitement, c'est pas quelque chose de simple, de facile. On verra. Et si ça marche pas, on sera très cool avec ça et ce sera pas un problème. Et c'est vraiment un énorme leurre. C'est pas véritablement une pression, mais de message en message, du plus subliminal au plus clair, c'est le même en fait. Hein. C'est pour le bien de ton enfant, le plus tu tiens, le mieux c'est. Plus tu t'accroches, mieux c'est. Le sous-entendu, c'est donc que tu seras une meilleure mère. Ça démarre, je suis en salle avec le monito et tout ça. On allait descendre en salle d'accouchement et tout s'arrête. Finalement, je suis pas du tout assez dilatée et les contractions s'arrêtent net. Sauf qu'en fait, le travail continue de manière beaucoup plus light et rien n'avance. À tel point qu'on rentre chez nous. Je passe la nuit en travail, mais complètement inefficace. Donc finalement, le lendemain, le 15... Ça commence à se déclencher vraiment et elle naît dans la nuit du 15 au 16. Mais du coup, en fait, je suis épuisée. Ça fait 2 nuits que j'ai pas vraiment dormi, plus la journée. Enfin, voilà, donc ça démarre comme ça. C'est absolument pas exceptionnel. Enfin, il y a énormément d'accouchements, surtout pour les premiers, qui durent ce temps-là. Et après, je me souviens parfaitement déjà de galérer un peu. Donc, on doit être jour 2 ou jour 3 à la maternité. Et ça marche pas super bien, quoi. Je commence à avoir vraiment mal. Et là, il y a une première femme soignante qui rentre et qui me dit « Non, mais vous allez pas la garder au sein tout le temps, là. Franchement, enfin, à un moment donné, c'est pas possible. Vous allez avoir des crevasses à force. Elle peut pas prendre le sein en permanence. C'est pas un doudou. » Elle me dit quelque chose comme ça, quoi. Ok, très bien, j'entends. Je pense vraiment une demi-heure après, mais vraiment pas plus. Une autre rentre qui me dit « Ah non, mais il faut que ça monte, en fait. Il faut stimuler la lactation. Donc, il faut la mettre au sein tout le temps. Dès qu'elle demande, vous lui donnez. C'est ça qui va stimuler. C'est ça qui va faire que ça monte. » Je peux être assez ouverte à l'expérience personnelle. C'est juste que ça part dans tous les sens. C'est pas invalide en soi. Je pense que c'est des femmes qui veulent transmettre quelque chose à ce moment-là, qui veulent bien faire, tu vois. Mais je pense que c'est trop compliqué pour être abordé comme ça. La suite, c'est beaucoup de crevasses, énormément de douleurs. Et je vais résumer en disant que à chaque fois que ma fille pleure, je suis de plus en plus désemparée. Et de plus en plus à me dire « Oh non, mon Dieu, quel enfer !» Romy, quand elle est née, en fait, elle avait une assez grosse jaunisse. Donc, on est resté 8 jours au Lila. Ce qui, à la fois, a été super pour un petit stage d'introduction. Et en même temps, elle avait beaucoup de séances d'UV pour récupérer de sa jaunisse. Donc, ça chamboulait un petit peu son rythme d'alimentation. Corrélé au fait que j'avais très peu de lait. Donc ça a été très dur au début de mettre en place la succion, en fait. On est sorti de la maternité, elle n'avait pas complètement récupéré de son poids. Et là, franchement, ça marchait pas bien. Enfin, ça venait pas, j'avais pas de lait. Je voyais bien qu'elle, elle s'énervait un petit peu et moi, j'arrivais pas. Et c'est là, effectivement, où j'ai vécu des scènes un peu absurdes où elle est en train d'essayer de téter, ça marche pas. Et moi, je suis fatiguée et je pleure et je comprends pas pourquoi ça marche pas. Et pour autant, j'arrête pas. Alors que des personnes me disent, en fait, si ça va pas et si c'est trop dur, tu peux tout à fait arrêter ce que je m'étais dit que je ferais, mais je le fais pas. Il y a une sage-femme spécialisée en allaitement qui est venue à la maison, qui était super. Et donc là, elle me propose une méthode que moi, j'imagine être parfaite, à savoir mixte, mi-allaité, mi-biberon. Et en fait, là, ça a été vraiment le pire des deux systèmes. C'est-à-dire qu'à la fois, il fallait que j'allaite tout le temps. Et quand j'allaitais pas, il fallait que je tire mon lait pour continuer à stimuler. Et en même temps, elle, elle prenait un biberon, donc elle se déshabituait un tout petit peu du sein. Mais il fallait qu'elle reprenne du poids. Enfin, puis avec cette espèce de machine sur Teddy Bear à 4 heures du mat qui fait un bruit de ouf et qui vraiment est pas tellement gage d'estime de soi. Enfin, c'était assez pénible. Et là, Romy, elle a eu des, je sais pas, une espèce de poussée cutanée un peu chelou. Sauf qu'on est le 13 juillet, et donc la sage-femme et le dermato qu'on voit nous disent « Chelou, on ne sait pas, faites une prise de sang, mais demain c'est le 14 juillet. » Du coup, on va à Debré. Elle a 2 semaines à ce moment-là, enfin elle a un peu plus de 10 jours. Tout va bien, c'est une éruption cutanée, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais ça va très bien. En revanche, en prenant son carnet de santé, il préfère la garder parce qu'il trouve qu'elle a perdu trop de poids. J'avais décidé qu'il fallait que j'essaye. Et puis, une fois que j'avais commencé, il fallait que j'essaye jusqu'au bout, que je trouve les solutions, que je mette tout en place pour que ça marche, en fait. Ça a été très douloureux, j'avais du mal à trouver les bonnes positions, j'avais l'impression qu'il y avait un problème de compatibilité, vraiment, entre sa toute petite bouche et mon énorme sein. Il a fallu trouver des conseillères en lactation, une semaine après être rentrée de la maternité, aller à l'autre bout de Paris en voiture, faire 45 minutes dans les bouchons avec un bébé qui avait même pas 10 jours, les horaires de rendez-vous, alors que c'est un moment où en fait, t'es quand même épuisée. Donc quand elle dort, t'as envie aussi de pouvoir dormir, faire la sieste. Et là, non, en fait, il fallait passer l'après-midi, aller à l'autre bout de Paris, en parler à quelqu'un, etc. Moi, j'avais tout essayé. Le lait maternel en compresse, du miel aseptisé, un truc spécial acheté en pharmacie, laisser à l'air. Non, pas laisser à l'air, en fait, couvrir avec une compresse et du cellophane. Non, en fait, couvrir avec un coquillage d'allaitement, avec du lait, sans lait. On avait fait un rendez-vous aussi en visio avec une autre conseillère. Je buvais un peu ses paroles. On avait fait le rendez-vous avec mon mec et lui était vraiment en colère contre elle parce que, en gros, elle me remettait un peu la faute sur moi, quoi. C'est comme si moi, j'avais pas fait ce qu'il fallait. Et c'était bien, en fait, que mon mec aussi ait dit « Non, en fait, celle-là, on l'écoute pas. C'est pas elle qui va te dire que tu fais pas les choses correctement alors qu'on l'a vu en visio 45 minutes, en fait. » Et ça m'avait fait peut-être du bien aussi qu'il soit... qu'il ait un peu plus de recul que moi, qui n'en avait aucun, quoi. Vraiment, à ce moment-là, je voyais bien que on m'aurait dit « T'es la pire mère du monde, tu fais n'importe quoi avec ton enfant. » J'aurais tout pris parce que j'étais... Ouais, j'étais vraiment très vulnérable, je pense. Il y a eu un moment donné où je me sentais aussi coupable parce que je voyais bien que je mettais tout dans l'allaitement en me disant que c'était ça, le lien avec ma fille. Et du coup, je me sentais coupable de ne pas être capable de le créer par ailleurs. Enfin, c'est vraiment un puissant fond, hein, la culpabilité. J'ai l'impression que dès que tu ouvres la porte... Enfin, je sais pas pourquoi je me suis mise dans la tête que c'était plus en fonction de son ressenti et de sa faim. Et du coup, j'avais une peur panique de créer chez elle un trouble du comportement alimentaire. Et du coup, je me dis, parce que c'est une fille, parce que je suis une fille, parce que c'est quelque chose qui est très présent dans la vie des femmes que je connais, que je côtoie, je me disais, en fait, déjà là, dès le départ, je vais créer ça chez elle. Et là, la culpabilité, elle était énorme, quoi. Vraiment, j'étais écrasée par cette culpabilité-là et par, du coup, le fait que ça allait être de ma faute, etc. quoi. Ça m'a quand même pris peut-être un mois avant que ce soit quelque chose qui soit naturel et aisé. Mais donc, il y a eu quand même des périodes de doute du fait que ça peut faire mal, quoi. Comme beaucoup de femmes, j'avais aussi le sentiment que si j'arrêtais, je pense que je l'aurais vécu aussi comme un échec. Parce que je m'étais décidée à allaiter, parce que j'avais essayé. Et que je m'étais dit, bah, si j'ai eu mal jusque-là, c'est quand même un peu con d'arrêter maintenant. Et je pense que c'est attendu de la société. Bah, vous avez qu'à essayer. Vous verrez bien, ça marche pas. Bah, non, en fait, une fois que t'essayes, évidemment, tu y mets un peu de toi, tu y mets un peu d'énergie, puis ça fait un peu mal, puis tu recontinues le lendemain. Bah, donc, en fait, une fois que t'as mis le doigt dans l'engrenage, c'est pas si simple.